En Corée, des syndicalistes et syndiqués ont entrepris la marche aux anciens théâtres de combat révolutionnaires dans le district du Mont Paektun à l'occasion du 75e anniversaire de naissance du général Kim Jong-il. La cérémonie de départ s'est tenue le 4 devant le monument à la bataille de Pochonbo. Les pèlerins ont tout d'abord fleuri et rendu hommage devant les statues du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il érigées à la ville de Haesan, ainsi que la statue du président devant le monument. Après un rapport et des interventions, les pèlerins ont fait le tour du monument.